Plaiderez-vous non coupable? Vos enfants devraient vous relever, soulever et sur la table basse. On dit que l'arme employée n'a pas encore été révélée, ça vous inquiète. Si vous êtes relaxé, continuez à exercer votre métier. Vous n'avez pas la sympathie des médias. Vous n'avez pas la sympathie des médias. Vous n'avez pas la sympathie des médias. Pourquoi ne pas avoir prévenu immédiatement votre supérieur hiérarchique? Pourquoi? Saviez-vous que votre première femme la connaissait très bien, très bien? Ça vous inquiète. Les experts affirment qu'elle a une relation sexuelle très peu de temps. Avez-vous fait l'amour à la victime? Soirée du meurtre. Derrière le masque, il y a les yeux. Reflet de l'âme, reflet des yeux. Masque de chair pour nous plaire, pour l'amour. Masque de pierre pour se taire, pour toujours. Derrière le masque brille un regard. Vous n'avez pas encore la carte de vous inquiète. Si vous êtes relaxé, continuez à exercer votre métier. Vous n'avez pas la sympathie des médias. Vous n'avez pas la sympathie des médias. Derrière le masque se dresse un mur. Laser de glace, lumière obscure. Masque doré pour jouer, masque d'or. Masque de fer pour la guerre. Derrière le masque brille un regard. Les yeux d'un chat, les feux d'un Ça vous inquiète.